Chapitre 6e. La lettre de la baronne Rupert au comte de Mardy commençait en ces termes. « Mon ami, mon Hector bien-aimé, c'est ta femme devant Dieu qui s'agenouille et te supplie. C'est ton ami, le capitaine Aubin, qui invoque votre vieille amitié et se joint à moi. Hector, cher époux du ciel, ne viens plus, la belle ombre. Au nom de Dieu, au nom de notre enfant, ne viens pas. Aujourd'hui, ce soir, tandis que l'on parlait de toi à voix basse, dans un coin du salon, un tressaillement s'est fait dans mon sein. Comprends-tu? Il faut bien que mon enfant ait un père, et si tu viens à belle ombre, c'est la mort. Hier encore, j'hésitais. Je n'hésite plus aujourd'hui. Dis un mot, et je te suivrai. Je quitterai tout, je quitterai. Hector, si tu m'aimes, ne viens pas. » La baronne racontait longuement alors tout ce qui s'était passé dans la journée, l'arrivée des hussards, la conversation à voix basse qu'elle avait surprise entre le capitaine Aubin, le curé et le chevalier de Morfontaine. Puis, elle lui rapportait textuellement les paroles du jeune officier de hussards. La lettre était empreinte d'une si grande terreur, elle le supplie avec tant de douceur et d'instance, qu'il était impossible que le comte de Mainhardy ne se laissât point toucher. Grain de sel, muni de cette lettre, courait à perdre haleine. Il arriva au bout du parc, franchit la clôture à la brèche ordinaire, traversa les 100 mètres de landes et de guérets qui s'étendaient entre le parc et la lisière de la forêt, écouta un moment, s'arrêta 10 secondes, puis comme un lièvre qui rentre au bois quand vient l'ombre, il s'élança sous le couvert. Un grain de sel savait sans doute parfaitement en quel lieu de la forêt Hector s'arrêterait en l'attendant, et il connaissait si bien son chemin à travers les halliers et les broussailles, qu'il continua sa course avec la même rapidité que s'il eût galopé dans un sentier battu. Au bout d'une demi-heure, il s'arrêta, se coucha plat ventre et écouta. Un bruit lointain de galop résonnant sous la futaie arriva bientôt jusqu'à lui. « Je reconnais le pas de Clorinde, » murmura-t-il. « Grain de sel ne se trompait pas. » Quelques minutes s'écoulèrent, le galop se rapprochait et devenait plus distinct. Enfin, le coup de sifflet convenu se fit entendre. Grain de sel répondit aussitôt par son cri d'oiseau nocturne. Puis il se mit à courir en avant, de la direction où avait retenti le coup de sifflet. Au bout de 100 pas, il répéta son houloulement. Alors, sans doute, Clorinde s'arrêta court, car le bruit de son galop cessa de retentir. C'était sans doute aussi convenu à l'avance entre Grain de sel et le comte de Mardi, qu'un second cri du premier forcerait l'autre à s'arrêter. Le deuxième houloulement voulait dire « n'avancez pas ». Grain de sel courut pendant quelques minutes encore, puis il fit entendre une troisième fois son cri. Le coup de sifflet d'Hector lui répondit. Grain de sel se dressa au milieu des broussailles, et au rayon de la lune, il aperçut M. de Mainhardy immobile au milieu d'une clairière. Le jeune homme avait mis pied à terre, et il était appuyé mélancoliquement sur le cou de son cheval. « Ah, monsieur Hector, » dit Grain de sel en arrivant sur lui, « montez vite à cheval et retournez par où vous êtes venu. » « Tu es fou, » dit tristement Hector, « et je te préviens, mon pauvre Grain de sel, que tu perdras ton temps à me prêcher la même ancienne qu'hier. Ah, monsieur Hector, » dit le jeune gars, « hier et aujourd'hui ne se ressemblent pas, et la lettre de Madame Diane va vous le prouver. » « Sa lettre ? Oui, monsieur Hector, elle m'a écrit, voilà, » dit Grain de sel. « Comment veux-tu que je lise au milieu de la nuit, étourdi ? Ce n'est pas avec un clair de lune brouillé comme celui-ci que je pourrais lire les pieds de mouche de ma belle Diane. » « Oh, » répondit Grain de sel, « j'ai prévu le cas, monsieur Hector, voyez plutôt. » Et Grain de sel tira de sa poche un briquet phosphorique et une petite bougie tordue sur elle-même, vulgairement nommée Radcave. « Voilà, » dit-il en l'allumant, « c'est comme à la chapelle de monsieur le curé. » Hector ouvrit, prit la lettre, en brisa le cachet et lut. Dès les premières lignes, Grain de sel le vit pâlir d'émotion. « Mon Dieu » murmura-t-il enfin. « Voyez-vous, monsieur Hector, » reprit Grain de sel, « je vous porterai chaque nuit des nouvelles de madame Diane, mais vous ne viendrez pas. Il faut pourtant que je la voie une dernière fois, ne fût-ce que quelques minutes. « Oh non !» fit le gars avec fermeté. « Mais, mon pauvre Grain de sel, » murmura le comte avec tristesse, « tu ne sais donc pas que je n'ai pas 3 jours à vivre. Que dites-vous, monsieur Hector ? Nous nous sommes battus aujourd'hui encore toute la journée, » poursuivait Hector. « Nous avons été écrasés, massacrés. J'avais 100 hommes autour de moi ce matin. J'en ai 30 à peine. Dieu m'a protégé. Je n'ai pas une égratignure, mais demain. « Demain, vous serez vainqueur, » dit le gars avec fierté. Hector secoua la tête. Mes hommes et moi, nous ne sommes enfermés dans Mahardi. Nous pouvons y tenir quelques jours encore. Pendant ce temps-là, car tout est perdu, mon pauvre grain de sel, pendant ce temps-là, madame, qui est à 3 lieues d'ici, pourra gagner Nantes ou Rochefort. Et après ? Demanda grain de sel. Après ? Répondit Hector. Eh bien après, quand nous n'aurons plus ni balles ni vivres, nous nous ferons sauter. Et madame Diane ? S'écria l'enfant. Hector passa une main sur son front. Tu sais bien que je ne pense pas me rendre, moi. Mais vous pouvez fuir, fuir avec elle. Oh, tais-toi ! Dit vivement le comte en prenant la main du gars et la serrant fortement. Tais-toi ! Ne me tente pas. Je serai le premier Mahardi qui aurait tourné le dos à l'ennemi. Tu vois donc bien qu'il faut que je la voie une dernière fois. Mais grain de sel, pendant qu'Hector parlait, avait pris dans les fonds de la selle du comte un de ses pistolets. Monsieur le comte, dit-il en reculant d'un pas, j'ai 15 ans et je suis un enfant, comme vous dites. Mais aussi vrai que j'ai le cœur d'un homme, et que le bon Dieu m'entend. Si vous ne me faites pas un serment de gentilhomme, je me fais sauter la cervelle. Un grain de sel, en parlant ainsi, avait placé le pistolet sous son menton. « Arrête, malheureux !» s'écria Hector, épouvanté. « Jurez-moi que vous n'irez pas à belle ombre !» répliqua l'enfant avec fermeté. Hector connaissait grain de sel, il le savait capable d'exécuter sa menace. « Entêté !» murmura-t-il. « Jurez !» répéta l'enfant, qui avait l'obstination d'un paysan de l'Ouest. Hector poussa un soupir. « Cher Diane » dit-il tout bas. Puis il regarda grain de sel. « Soit, dit-il, je te jure que je vais retourner à Mahardi. » L'enfant jeta un cri de joie. « À la bonne heure, dit-il, voilà votre pistolet, monsieur Hector. » Le comte reprit le pistolet, le remit dans sa poche et sauta en selle. « Demain, lui dit grain de sel, quoi qu'il arrive, je vous porterai des nouvelles de madame Diane. Bonsoir, monsieur Hector, et vive le roi !» Hector pressa Clorinde et disparut au galop à travers les arbres. Quant à grain de sel, il s'en rendit au château fort tranquillement. Diane l'attendait, et le voyant arriver seul, elle se jeta à genoux et remercia Dieu en pleurant. Grain de sel était trop intelligent. Il aimait trop sa chère maîtresse, pour lui dire un seul mot de ce que lui avait appris Hector touchant la situation désespérée des Vendéens. Diane pria longtemps, puis elle se mit au lit, pleine d'espoir. Le lendemain, au point du jour, Ambroise, le valet perfide, entra dans la chambre de monsieur de la Morlière. J'ai veillé toute la nuit, lui dit-il. Moi aussi. Il n'est pas venu. Grain de sel est rentré seul. Je le sais, dit le vicomte inquiet. Je suis demeuré jusqu'au jour derrière une persienne. Du reste, poursuivit Ambroise, cela ne doit point étonner monsieur le vicomte. Pourquoi ? Il faisait clair de lune. Il est prudent. Il n'aura pas osé, sachant que les hussards sont ici. Mais à la première nuit sombre, qui sait s'il n'a point été tué ou blessé ? Oh, si cela était ! Répliqua Ambroise. Grain de sel, que je viens de rencontrer dans la cour où il pense ses chevaux, aurait eu une mine plus consternée. Le drôle sifflait comme un merle. Alors c'est le clair de lune. Mais, continua Ambroise, le clair de lune ne doit point inquiéter, monsieur le vicomte. Ah, pourquoi donc ? Parce que la lune était vieille hier et qu'elle est nouvelle aujourd'hui. Ce soir il fera noir comme dans un four. Bien, dit monsieur de la Morlière. Et je vous réponds, ajouta Ambroise, que si vigoureux qu'il soit, il ne se dégagera point du piège à loup. S'il n'a pas la jambe brisée, il n'en vaudra guère mieux. Il faudra prendre garde à une chose, laquelle ? C'est que ce ne soit grain de sel qui s'y prenne. Cela ne ferait que donner l'alerte. Notre homme s'échapperait, et la belle madame Diane ne manquerait point de nous soupçonner. C'est impossible, dit Ambroise. Comment cela ? Je placerai le piège quand grain de sel aura franchi la haie. Bien. Or, j'ai étudié leur manège, ayant toujours eu l'idée de vendre la mèche à monsieur le vicomte, poursuivit le valet avec un ignoble sourire. Quel est ce manège ? Le comte descend de cheval au bord du bois et grain de sel garde sa monture jusqu'à ce qu'il soit de retour. Alors tout est pour le mieux, dit monsieur de la Morlière, et il sauta à bas de son lit et s'habilla, tandis qu'Ambroise s'en allait. Le vicomte ouvrit sa croisée et jeta un regard distrait dans le parc. Le vieux général de Morfontaine, qui avait conservé des habitudes matinales, se promenait dans la grande allée, les mains derrière le dos, tête nue. Le général était vêtu d'une grosse veste à drap roux boutonnée militairement et d'un pantalon à pied. Il avait un journal à la main et lisait. Le vicomte descendit et le rejoignit. « Bonjour, mon oncle, lui dit-il. »« Bonjour, Édouard, répondit le vieux soldat. tu es matinal. Cependant, tu n'as point tâté de la vie des camps, toi. Tu es un homme de plume, un avocat. Ça, continua M. de Morfontaine, donne-moi le bras, nous allons causer. Je le veux bien, mon oncle. Le vicomte entraîna le général dans le fond du parc. Celui-ci lui dit « Comment es-tu avec ta cousine ?»« Mais, » répondit M. de la Morlière en tressaillant, « fort bien, mon oncle. »« Bref, dame, je l'aime de tout mon cœur et je crois qu'elle me le rend. »« Tu ne lui fais pas la cour, au moins. Pourquoi donc me demandez-vous cela, mon oncle ?»« Mais, » dit le général, « parce que... Ah, ma foi, tant pis. Je déteste les circonlocutions et les phrases diplomatiques. » Et je vais te le dire tout net. Voyons, fit M. de la Morlière, visiblement inquiet. C'est que je crains que tu me la demandes en mariage. Mon oncle? Et j'aurai la douleur de te la refuser. À moins que, toutefois, elle ne voulût absolument t'épouser. Mais, mon oncle, murmura le vicomte, vous me permettrez cependant de vous demander l'explication de ces paroles, qui jusqu'à un certain point me froissent. « Tu as tort, vicomte, tout à fait tort, et tu vas en juger. »« J'écoute, mon oncle, » fit M. de la Morlière d'un ton quelque peu sec. « Ah !» continua le général. « Avant de déduire mes raisons, il faut que je te conte une histoire. Elle remonte à la bataille de Waterloo. »« Soit. »« À Waterloo, j'ai eu un cheval tué sous moi, et j'étais un homme perdu si mon aide de camp ne m'eût dégagé. » N'eût tué deux Anglais, qu'il m'appuyait déjà leur baïonnette sur le ventre, et ne m'eût donné son cheval. Je devais la vie à mon brave baron Rupert. Je fis le serment de lui donner ma fille pour femme. Cela t'explique pourquoi je n'ai songé à aucun de mes neveux. Bon, dit le vicomte, mais le baron Rupert est mort, mon oncle, et... Attends donc. Le baron mort, je me suis pris à songer que le chevalier ton cousin portait mon nom et que... Je vous comprends, mon oncle, murmura le vicomte avec tristesse, mais sans témoigner aucun dépit. Et n'ai en vérité rien à dire. Tu ne m'en veux pas? Oh, certes, non, mon oncle. Je trouve votre désir trop naturel. Tout en causant, le général se dirigeait vers cette petite allée qui longeait la clôture du parc et aboutissait à la brèche formée dans la haie. Tout à coup, il s'arrêta et tressaillit. Qu'est-ce que cela? Fit-il en fronçant le sourcil. Et il montrait des empreintes de pas non effacées. « Oh !» reprit-il. « On aura pénétré de nuit dans le parc pour vous voler des fruits, mon oncle. » dit le vicomte, assez désagréablement surpris que le général eût remarqué les empreintes enfoncées dans la boue. « Il n'y a pas de voleurs dans le pays, » dit le général tout songeur. Et après un moment de silence, le général ajouta tout à coup. « Sais-tu ce que c'est que cela ?»« Non, mon oncle. Ce sont des pas de chouans. Allons donc. Les drôles seront venus ici. » Pour savoir juste ce qu'il y a de hussards au château. Je connais mes Vendéens, moi. Mais, se hâta d'ajouter M. de Morfontaine, ceci ne nous regarde pas. Entends-tu, vicomte? Oui, mon oncle. Tant pis pour eux s'ils sont pris. Tant mieux s'ils ne le sont pas. Je ne mêle que de mes affaires. Le général tourna brusquement le dos au sentier sur lequel il avait aperçu les empreintes. Allons-nous-en, dit-il d'un ton bourru. Pensait M. de la Morlière. Au fond du cœur, le général est chouan. Qui sait? Il est capable le premier jour de s'intéresser au comte de Mahardy. Il est temps que je mette ordre à tout cela. Pendant que le général et son neveu se promenaient dans le parc, Diane était à sa fenêtre, l'œil fixé sur les grands bois, qui dérobaient à ses regards les tourelles de Mahardy.